commander en ligne, mais faire vivre le commerce en vrai. C'est possible. Et ça s'appelle épicerie.com, avec un Y. La nouvelle application qui soutient les commerces et restaurants de proximité en vous livrant le meilleur de leurs produits dans l'heure. Commandez dès aujourd'hui auprès de vos commerçants lyonnais. Épicerie, vive le commerce vivant! Affaire sensible, la fiction, cette semaine 22 millions, inspirée de l'affaire Big Malion. Une série en 6 épisodes, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Baptiste Guitton, coordination Christophe Barrère. France Inter. Affaire sensible. Écrit par Vincent Hazard. Musique originale, Sébastien Quincé. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton. Deuxième épisode, le porte-flingue. Bonsoir Guillaume Daret, vous êtes en direct au siège de l'UMP où une perquisition est en cours depuis la fin de l'après-midi. Où en est-on ? Eh bien, la perquisition est toujours en cours, David, dans ce bâtiment qui est juste derrière moi. Ça fait désormais un peu plus de 2h30 que les policiers sont à l'intérieur du siège de l'UMP, une dizaine de policiers. Ils sont arrivés vers 17h30. Jean-François Copé, lui, est arrivé 45 minutes plus tard, le président de l'UMP, qui est, lui aussi, toujours au siège du parti. Pour réussir une bonne perquisition, la préparation doit être aux petits oignons. Il faut trouver les plans des lieux, penser sa stratégie de déploiement, et puis bien briefer les collègues qui viennent sans rien connaître à l'affaire et qui savent à peine ce qu'on vient y chercher. Ils obéissent, mais c'est au chef de tout prévoir, comme à l'armée. Siège de l'UMP, Paris, 26 mai 2014. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Police judiciaire, prévenez la direction, nous allons procéder à une perquisition. Maintenant ? Tout de suite. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais plus vite vous obtempérez, plus vite on libérera tout le monde. Vous allez retenir tout le monde ? C'est la procédure, personne ne sort. Vous allez verrouiller le bâtiment et nous aider à collecter les téléphones portables. Oui. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, police judiciaire, Dis-moi, il va aussi falloir que vous mettiez en rapport avec le responsable du réseau informatique. Oui, je l'appelle. Premier objectif atteint. Figer la scène, bloquer toute communication avec l'extérieur, même si les journalistes s'agglutinent déjà devant l'entrée. Je ne suis pas habituée à être le centre d'attention des journalistes. Franchement, j'aime pas ça. J'ai rien contre eux, ils font leur boulot, mais moi, pour faire le mien correctement, j'ai besoin de les garder à distance. Faites pas des copies légales ici. La compta n'a plus rien sur leurs ordi. Oh putain, comme par hasard. Oui, donc il faut qu'on prenne toutes les archives, mais c'est impossible de tout copier maintenant. Il faut qu'on crée un minimum. On va y passer la nuit, là. D'accord, je vais commander des sandwichs. Prendre son temps, saisir un maximum d'éléments, même des choses en apparence anodines, c'est ça la clé d'une bonne perquisition. Parce qu'on ne sait jamais ce que l'enquête nous réserve. Chance. Quoi, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Regarde, il y a Lavrieux en direct sur BFM. Il y a eu des factures qui ont été présentées à l'UMP qui correspondaient à des dépenses faites pour le compte de la campagne. Mais vous comprenez, ces dépenses sont plafonnées. Au-delà de 22 millions, on ne peut plus les intégrer dans les comptes de campagne. Et il y a eu un dérapage sur le nombre d'événements qui ont eu lieu dans cette campagne. Il aurait mieux valu présenter des comptes sincères, mais non conformes. Et là, c'est l'impensable. Dans ces affaires, les mecs qui avouent, ça n'arrive jamais. Et Jérôme Lavrieux vient de le faire en direct sur BFM. Lui, on ne va pas le lâcher. Comment je vois demain ? J'aimerais bien pouvoir... dormir. Après les européennes et la victoire du FN, c'est un autre séisme qui secoue le monde politique en France. L'affaire Big Malion, devenue l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ce matin, le bureau national de l'UMP s'annonce agité après les confessions de Jérôme Lavrieux, directeur de campagne de Jean-François Copé. La perquisition au siège du parti s'est achevée à l'aube. Frédéric Fion. Au milieu de la nuit, plusieurs coursiers apportent une importante quantité de pizza livré dans le hall de l'UMP avant d'être monté dans les étages. C'est dire si au siège du parti dans le 15e arrondissement, la nuit est longue. Des grosses berlines ne cessent d'ailleurs d'entrer et sortir du parking. Dans l'une d'elles, sans doute, Jean-François Copé, mais les vitres sont fumées et ne laissent rien deviner. Le président de l'UMP, pourtant, est bien au centre des réunions et déjà sans doute des interrogatoires, car depuis l'après-midi, la police est là. La brigade anticorruption est arrivée dans les bureaux du parti. Ah oh merde, purée, dis pas ça. Ça me stresse d'être exposé comme ça. Non mais franchement, le tailleur, ça te va bien, hein? T'as changé de style. Bon, bah maintenant, tu sais sur quoi je bosse. Ouais. Ah bah maintenant que tu fricotes avec les politiciens, je comprends que tu veuilles pas retourner avec les bouseux comme nous. Bah c'est sûr que c'est plus agréable de pas avoir le doigt sur la gâchette quand on part faire les perquis, quoi. Tu t'en bourgeoises. Ouais, ça veut pas dire que c'est pas risqué non plus. Ouais, je me doute. Fais gaffe à toi. Ça a l'air d'être un sacré panier de crabes, cette affaire. Plusieurs ténors ont réclamé ce matin la tête de Jean-François Copé et l'ont obtenu. Il va démissionner. Laurent Strabon, bon ami, Marc Félix. Sous la pression, Jean-François Copé jette l'éponge. Ce matin, l'ensemble du bureau politique avait rendez-vous à l'Assemblée nationale. Les visages étaient fermés depuis les révélations dans l'affaire Big Malion. Le parti est au bord de l'implosion. C'est peut-être Jean-François Copé lui-même qui a provoqué ces révélations avec son annonce de déposer une plainte dans cette affaire. À l'UMP, à la veille d'un bureau politique fatidique, la guerre interne est rallumée. Quant à l'UMP, elle est atteinte dans sa crédibilité et elle doit s'interroger sur les raisons de son échec. Elle n'a pas été en mesure de rassembler et son honneur est en cause. Davantage même que son honneur, c'est peut-être l'avenir de l'UMP qui est en question, ainsi que celui de plusieurs de ses plus éminents responsables. Parquet de Paris, 29 mai 2014. Vous avez pu avoir ce que vous vouliez au niveau des saisies ? Oui, monsieur le procureur. Enfin, malheureusement, les documents de la campagne ont été effacés. Il ne reste que les bilans officiels et idem pour les messageries de tout le monde. Mais on va essayer de récupérer les fichiers effacés. On a pris quand même les archives. Il va falloir du temps pour tout analyser. J'entends bien. Sinon, je voulais vous demander la permission de commencer les auditions. Ah bon ? C'est jamais bon d'auditionner trop tôt. On a fait une exception avec Copé, mais il faut être prudent. Non, mais je pensais juste à une seule personne pour l'instant. Jérôme Lavrieux. Je pense qu'il faut l'entendre avant qu'il fige un discours et qu'il change d'avis. Ça se tient. Voyez-le, mais laissez-le dérouler son histoire. C'est une première audition, on ne force rien. Elle me fait passer pour une conne dans le bureau du proc. Calmez-vous, Gabriel. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Chef, c'est trop tôt pour auditionner. On va l'interroger sur quoi, Tongus ? Tu vas juste nous faire perdre du temps, oui ? Il est prêt à parler. Désolé, Gabriel, mais c'est pas idiot, en fait. Maintenant qu'il a parlé aux médias, alors que les autres continuent de nier, il va se sentir isolé, c'est le bon moment. Allez-y, Florence, convoquez-le. En politique, dans le tumulte de l'affaire Big Malion, l'UMP a décidé de lancer une procédure d'exclusion contre Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, et homme par qui le scandale a été confirmé. Jérôme Lavrieux a entre-temps été élu député européen sous la bannière de l'UMP. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 17 juin 2014. Comment vous vous sentez, monsieur Lavrieux ? Pas bien. Je me demande déjà si j'ai bien fait de parler, vous savez. Maintenant, tout le monde veut ma peau. Rassurez-vous, vous avez bien fait. Je suis en train de tout perdre. On m'a même pris mon téléphone. Ne vous inquiétez pas, toutes vos affaires vous seront rendues. Oui. Vous, vous êtes réglo, mais c'est la presse. Les gens. On m'accuse de trucs dégueulasses. Mes parents sont harcelés. La presse locale fait des déclarations sur le restaurant de ma sœur. On ne m'attaque pas seulement moi, on s'en prend à ma famille. J'en suis navrée. Heureusement que j'ai ma fonction de député européen. En ce moment, ça me donne un but, une mission. Bien sûr, je comprends. Ma collègue va prendre en note à partir de maintenant. On va parler librement. Je compte bien le faire. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein de l'UMP et de la campagne présidentielle de 2012? Je suis Jérôme Lavrieux. Je suis député européen depuis quelques semaines. Et auparavant, j'étais directeur de cabinet de Jean-François Copé. Je gère les emplois du temps, la logistique, les affaires courantes. Je suis une sorte d'homme à tout faire. Et c'est ce que j'ai fait pour Jean-François Copé quand il a gagné la présidence de l'UMP en 2010. Siège de l'UMP, Paris, novembre 2010. Allô, Patrick Buisson, c'est Jérôme Lavrieux. Comment tu vas ? Je vais pas te prendre longtemps. Dis-moi, je fais le tour des contrats de l'UMP et je constate qu'on a un contrat avec ta société de sondage. Ouais. Et 15 000 euros par mois hors taxes, là, tu nous fais quoi pour ce prix-là ? Ouais. Ah, d'accord. Bon, écoute, moi j'arrive et je constate qu'on a des frais de partout. Tu comprends ? 15 000 euros pour l'UMP, c'est une somme. Il va falloir nous fournir un service de qualité. Ce que je te propose, c'est que tu passes me voir dans mon bureau pour me livrer tes sondages. Ouais. Une heure par semaine, avec des documents imprimés. Une heure toutes les semaines, notée dans l'agenda. Hein ? Voilà. Pour 15 000 euros, je pense que tu peux le faire, non ? Hein ? Allez, au revoir. Quand on est arrivé, c'était n'importe quoi, les finances du parti. L'UMP était devenu une vache à lait pour tous les notables et les vieilles gloires. J'ai trouvé ici, à Paris Match, le figure madame. Bonjour. Vous êtes qui, vous ? Je suis l'officier de sécurité de monsieur Edouard Balladur. Et ? Qu'est-ce que vous faites là ? Il vient chercher les journaux de monsieur Balladur, comme d'habitude, monsieur Lavrieux. Match, la revue des Deux Mondes, Beaux-Arts Magazine. Bon, d'accord. Vous les prenez, mais c'est la dernière fois. Je pense que ça vaut mieux qu'on arrête ça cette semaine. Ce sera plus pratique pour tout le monde si monsieur Balladur paie lui-même ses abonnements et que vous n'ayez plus à vous déplacer. Hein ? Allez, bonne journée. Bonne journée. Vous avez la réputation de ne pas être tendre. On vous appelle le porte-flingue de Jean-François Copé. Je n'aime pas ce terme. J'aime quand c'est carré, c'est tout. Et c'est pour ça que vous avez été récompensé en étant nommé directeur adjoint de la campagne de Sarkozy ? Je n'appellerai pas ça une récompense. Au départ, j'ai accepté pour rendre service. Entrez. Ah, cher Jérôme, j'espère que cette nomination vous fait plaisir. Jean-François, on sait tous les deux que ça ne sera pas une partie de plaisir. Si je passe chez les Sarkozystes, c'est bien pour sceller un rapprochement entre le candidat et le parti, au moins temporairement. Il faut se rassembler autour du candidat Sarkozy. Nous sommes disciplinés. Vous êtes le plus discipliné d'entre nous, Jérôme. Monsieur Jérôme Lavrieux. Palais de l'Élysée, Paris, septembre 2011, 8 mois avant l'élection. Monsieur le Président. Ah, Jérôme. Tu permets que je t'appelle Jérôme? Ah oui, monsieur le Président. Laisse-moi te présenter mon directeur de campagne, Guillaume Lambert. Enchanté. Enchanté. Et je ne te présente plus mon conseiller, Patrick Buisson. On se connaît. Puisque je dois maintenant faire acte de présence à l'UMP une heure par semaine, grâce à lui. Je trouve ça tellement plus convivial qu'un mail envoyé en 5 minutes. Il faut prendre le temps de décortiquer ces précieux sondages que vous nous vendez si cher. Bon, c'est certain. Buisson et Giacometti me sont très précieux pour ces sondages. Et pendant la campagne, ils seront encore plus importants. Hein? Tout comme toi, Jérôme. Tu vas trouver ta place dans le dispositif. Tu seras donc l'adjoint de Guillaume. Guillaume a été préfet, mon chef de cabinet. Il connaît toutes les ficelles de l'administration et mon programme politique. Il sera mon relais. Mais on compte sur toi, Jérôme, pour l'organisation. A priori, ça je sais faire. C'est parfait, parce que c'est ma première campagne. Ouais, on va faire une super campagne. Asseyez-vous. Je n'en doute pas. Bon, je sais que les sondages sont pas bons, hein, mais l'élection est dans 8 mois. Il faut faire une campagne éclair. On va faire une réunion par semaine, ici, à l'Élysée, pour préparer le contenu stratégique de la campagne et des meetings. Ensuite, Jérôme ira à l'UMP pour l'organisation. On a absolument besoin de l'UMP, pour leur savoir-faire et les militants et la trésorerie. Parce qu'il est important que je me déclare le plus tard possible, hein, comme Mitterrand pour sa réélection. Sauf qu'on ne pourra pas réunir des fonds pour la campagne tant que je ne serai pas officiellement candidat. Le président ne doit pas descendre dans l'arène trop tôt. Ah ben non, mais il va falloir que l'UMP avance l'argent en attendant. Mais Jean-François Copé m'a donné son accord. Et ça nous arrange pour les comptes de campagne. Si on n'est pas candidat, les frais ne seront pas décomptés du montant autorisé. Bah, dans le cas du président qui doit de toute façon faire des apparitions publiques, comment on fait pour décompter ce qui est de l'ordre de la campagne, de ce qui dépend de son rôle de président? C'est une zone grise. S'il parle en public, il faut savoir s'il parle en tant que président ou en tant que candidat. Et on peut en tirer parti si on est malin. Je comprends. On a un avocat spécialiste de ces questions de financement, Blanchetier. Vous verrez avec lui si les dépenses que vous faites rentrent ou pas dans les comptes de campagne. Mais quel est le plafond de dépenses autorisées? 22 millions. Pour tout? La com, les sondages, les meetings. Oui. Sur les 22 millions, on a budgété 10 millions pour les meetings, 5 gros à environ 1 million et plusieurs petits à quelques centaines de milliers d'euros. C'est les meetings les plus importants. Je t'y souhaite top. Donc c'est vous qui aviez la charge d'organiser les meetings? En partie. Je servais de relais. J'ai présenté Big Malion à l'équipe de campagne. Vous les connaissiez bien? Oui, ça me paraissait logique de faire appel à des gens de confiance. Je connais Bastien Millot et Guy Alves du temps où nous étions tous les trois à la mairie de Meaux, au service de Jean-François Copé. Ils étaient vos interlocuteurs au quotidien? Non, ils n'ont pas l'expertise de terrain. Leur homme pour les meetings, c'était Franck Attal. Siège de l'UMP, Paris, 15 janvier 2012. C'est à toi, Franck. Alors, je vous propose de démarrer très fort, le 19 février à Marseille. Marseille, on le sait tous, c'est un symbole fort pour le candidat, un symbole de la campagne de 2007, car les Marseillais avaient voté pour lui en masse. C'est bon, on était tous là en 2007, on sait. Est-ce qu'on peut parler concrètement? Ne vous laissez pas intimider par M. Césaré, il est toujours beau. Je m'excuse, mais pas besoin de nous sortir le grand jeu de drague avec présentation PowerPoint. On n'a pas la soirée. Vous venez recommandé par Jérôme et ça nous suffit. Monsieur Césari, notre directeur général à l'UMP, et Guillaume Lambert, le directeur de campagne, connaissent bien les problématiques. Ils veulent juste entendre vos conclusions. Ok, bien. Alors, on parle de 5 gros meetings. À Marseille, on vous suggère de réserver le parc Chanot, c'est le palais des expositions, c'est le top. Et on peut y mettre combien de personnes? La jauge est à 6000. Il faut prévoir de quoi acheminer les militants. Estrosi va se faire un plaisir de mettre à disposition des cars pour remplir avec ses militants. Et négocier un créneau pour faire son speech sur scène. Et niveau média, on peut installer quoi sur ce site? On a une grande zone aménagée pour les journalistes. Wi-Fi, petit four. Si c'était moi, on les mettrait au pain sec. Ouais, il faut bien les traiter, on veut une bonne presse. On a aussi une grosse équipe son et vidéo pour filmer. 7 caméras. On pourra retransmettre en direct ou fournir des images aux chaînes. Oh, on va essayer de négocier un direct sur BFM. La chaîne publique Sénat veut déjà retransmettre toute l'après-midi. Les autres ne prendront des images que pour leur JT. Parfait. Il va falloir rapidement un devis, monsieur Attal. Sans problème. Les comptes doivent être tenus et très clairement. On est contrôlé après l'élection. Comptez sur nous. On a l'habitude. On validera ensemble les dépenses. Très bien. Alors, c'est bon pour Marseille le 19 février. Et pour le 16? Le 16. À Annecy, le premier meeting. Mais c'est pas à Marseille le premier meeting? Ah non. Nicolas Sarkozy veut un premier meeting à Annecy, le 16 février. Mais, j'ai pas été prévenu. Maintenant, vous l'êtes. Et quel était le rôle de Monsieur Césari dans tout ça? Pour le dire simplement, c'est l'homme de Sarko auprès de l'UMP de Jean-François Copé. Comme moi, j'étais l'homme de Copé dans la campagne de Nicolas Sarkozy. On se surveillait mutuellement, mais Césari est un Corse sympathique, alors ça se passait bien. Enfin, jusqu'à maintenant, il ne me parle plus. Et le nombre de meetings, c'est pas clair. Vous avez fait un premier meeting à Annecy, c'est ça? Oui. Nicolas Sarkozy a voulu faire plaisir à Bernard Accoyer, le maire d'Annecy, et faire un meeting chez lui. Toutes ces modifications de dernière minute ont coûté très cher. Et personne ne s'en est rendu compte pendant la campagne? Je ne sais pas. Mais j'imagine que oui. Mais pas moi. Je n'avais pas le nez dans les comptes. Je sais que Lambert a demandé plusieurs fois à Big Malion de baisser ses prix. C'est Lambert qui gérait. Moi, je pensais que c'était bon. Et à quel moment vous avez compris qu'il y avait un gros problème? On m'a convoqué à une réunion juste après la campagne, en mai. C'est à ce moment-là qu'on m'a révélé le dépassement. Il fallait trouver une solution pour rembourser ce qu'on devait à Big Malion. Qui était présent? Éric Césari, Fabienne Liadze, la directrice des ressources du parti, Guillaume Lambert, le directeur de campagne, Franck Attal de Big Malion et moi. Et c'est tout? Oui. Pas Nicolas Sarkozy ni Jean-François Copé? Non. Jean-François Copé n'était pas au courant. Il ne s'occupait pas de la campagne et je lui en ai pas parlé après non plus. Quant à Nicolas Sarkozy, il avait d'autres choses à gérer. En tout cas, je n'ai jamais vu aborder le sujet en ma présence. Expliquez-nous comment vous avez réglé le dépassement de Big Malion. C'est très simple. On a demandé à Big Malion de nous faire des nouveaux devis et des factures avec des montants bien inférieurs aux dépenses réelles pour rester sous la barre des 22 millions. On leur a réglé le reste avec des fausses factures pour de faux événements dans les semaines qui ont suivi la campagne. Vous avez gardé des documents originaux? Des vrais devis? Des vraies factures? Non. Vous imaginez bien qu'on a tout fait disparaître. Et puis moi, dans tout ça, je me suis retrouvé devant le fait accompli. Je n'ai pas touché un centime, vous pouvez vérifier. C'est en cours. Il a contrôlé mes notes de frais, allez-y. Je n'ai pas de compte caché en Suisse ou des biens. Je possède juste une petite maison à côté de chez mes parents. Nous savons ça, monsieur Lavrieux. Nous sommes là pour trouver la vérité. Je veux juste laver mon honneur. Je n'ai jamais pris un centime dans cette affaire. Ça va aller. On va faire une pause. Il ment. Il ne peut pas ne pas avoir été au courant avant la fin de la campagne. Il était directeur adjoint. Il faut le prouver. Ne pars pas avec des idées préconçues. Tu sais comment ça marche, une campagne présidentielle, toi ? Non ? Alors reste humble. Laisse-toi porter, laisse-le parler. La vérité va remonter d'elle-même. Allez, viens. C'est dingue de se dire qu'on confie les finances du pays à des gens qui ne savent déjà pas gérer leur parti. Et je suis sûre qu'à gauche, c'est pas mieux. Sans parler du FN qui est poursuivi pour détournement. Et le pire, c'est qu'il n'assume rien. Le préfet Lambert a écrit au parquet et à la presse pour dire que lui non plus n'était au courant de rien. Il s'inquiète et se défend. Mal. Il a joint à sa lettre des échanges de mails et de textos pour incriminer Lavrieux. Mais il a oublié qu'en parlant trop et trop vite, on risque de commettre des erreurs. De grosses erreurs. Ça va aller ? On a presque fini, monsieur Lavrieux. Oui, je vous l'ai dit, je suis là pour collaborer pleinement. Vous savez que le préfet Guillaume Lambert contredit votre version ? Oui, j'imagine bien. Il nous a fait parvenir une lettre dans laquelle il dit que vous avez imposé Big Malion et sa filiale Event pour assurer les meetings de campagne. Oui, je vous l'ai dit, vu les délais, il valait mieux travailler avec des personnes sûres. Mais elle dit que vous étiez au courant de tout et que c'est vous qui aviez le contrôle des comptes. C'est faux. C'est lui qui négociait les montants des contrats. Il dit que vous étiez au courant des dépassements bien avant la fin avril et que c'est vous qui avez décidé la fausse facturation sans l'avertir. Florence, on va rester sur les questions prévues dans un premier temps. C'est faux. Il raconte n'importe quoi. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il nous a joint plusieurs mails dans lesquels vous échangez au sujet des dates de meeting, comme dans le mail du 19 mars. Oui, mais alors ? Ne fais pas ça, Florence. J'ai devant les yeux un texto que vous avez envoyé le 28 avril 2012, une semaine avant le second tour, à monsieur Lambert. On ne va pas louer et équiper la deuxième salle à Clermont-Ferrand. C'est une question de coût, nous n'avons plus d'argent. JFC, Jean-François Copé, en a parlé au PR, au président de la République, j'imagine. Ça veut bien dire que c'est vous qui avez décidé de réduire les coûts sur ces meetings et que c'est vous qui aviez la main sur les dépenses. Mais non, pas du tout. Je ne fais que transmettre l'information. Florence, arrête. Admettons. Mais alors dans ce cas, ça veut dire que non seulement vous étiez au courant du dépassement, mais que Jean-François Copé aussi. Et qu'il en a parlé avec Nicolas Sarkozy lui-même. Vous avez tous fini par être au courant, n'est-ce pas ? Tout le monde savait déjà pendant la campagne que vous trichiez sur les dépenses. Vous, Lambert, Copé et Nicolas Sarkozy, le président candidat. Madame, vous racontez n'importe quoi. Quand je vous dis que Jean-François Copé n'était pas au courant, c'est la vérité. Quant à Nicolas Sarkozy, je n'ai aucun élément qui me prouve qu'il l'était. Ce texto dont vous parlez fait référence au compte de l'UMP, qui était déjà dans le rouge à ce moment-là. Pas les comptes de campagne, les comptes du parti. Vous pouvez vérifier. Le parti ne pouvait plus avancer d'argent pour la campagne. Jean-François Copé a dû faire en urgence une demande de prêt à des banques pour renflouer les caisses. Ce texto parle de ce problème. Pas du prix du meeting. Bon. On va... Je pense qu'on a tout pour aujourd'hui. Merci, monsieur Lavrieux. De rien. Oui, merci. Faire sensible sur France Inter. Non, me regarde pas dans les yeux. Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux. Que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche. Mine de rien je tiens pas bien sûr. Next time. France Inter. Affaires sensibles. La fiction. 22 millions. Écrit par Vincent Hazard. Musique originale, Sébastien Quincé. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton. Troisième épisode, le topper. Et on commence donc par l'affaire Big Malion. Les taux se resserrent autour de l'UMP puisque l'ancien bras droit de Jean-François Copé a passé sa journée en garde à vue. Jérôme Lavrieux est ressorti libre. Il avait promis de donner les noms de tous ceux qui savaient que Big Malion servait en fait à masquer l'envol des dépenses de la campagne Sarkozy. Aujourd'hui, le site Mediapart affirme que l'UMP a dissimulé 17 millions d'euros de dépassement et non pas 11 comme il en avait été d'abord question. Monsieur Lavrieux raconte ce qu'il veut, mais en ce qui concerne ma campagne, il n'y a jamais eu le moindre système de double facturation. Ces 17 millions de dépassements dont on m'accuse, c'est une folie. Si la justice avérait que la société Big Malion a prélevé de l'argent à l'UMP, alors qu'il n'y avait aucune raison, les dirigeants de l'UMP seraient alors en droit de déposer plainte. Quant à monsieur Lavrieux, il devra rendre des comptes devant la justice pour ses propos. L'affaire commence à faire pas mal de bruit. C'était pas le moment de faire une boulette pendant l'audition de Jérôme Lavrieux. J'ai cru que je pouvais le faire basculer et tout avouer avec un élément compromettant du dossier. Mais il a retourné l'argument. Je me suis fait avoir comme une débutante. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 19 juin 2014. Vous allez m'enlever la direction d'enquête ? Florence, vous n'avez pas respecté ce qui avait été convenu, ni avec le procureur, ni avec nous. Je suis désolée. Maintenant, Lavrieux ne nous fera plus confiance. T'as tout gâché. Il a eu de la chance, surtout. Ça se tentait. Il était adjoint. Il était forcément au courant des comptes en temps réel. J'ai cru l'avoir avec le texto, mais il est malin. Ou alors il dit la vérité. On n'est pas dans un film, Florence. Ne partez pas billet en tête. Vous voyez bien que le dossier est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ouais, j'ai merdé, vous avez raison. T'as pas les épaules pour diriger cette enquête. Bon, c'est pas le moment, Gabriel. Surtout avec le procureur qui nous marque à la culotte. On envoie le PV et vous bouclez votre rapport rapidement. Ils vont sûrement ouvrir une instruction. Vous voulez que je reprenne l'enquête ? Non, vous n'avez pas le temps de prendre ce dossier. Et vous, Florence, vous arrêtez de jouer les cow-boys. Les auditions, vous les faites tranquillement, même si vous pensez que la personne en face de vous est en train de mentir. La vérité émergera d'un ensemble d'éléments. Même si certains se mettent à table, ils ne vous raconteront que leur vérité. Elle attend que ça, que je me plante pour récupérer le dossier. Elle a la rage de ne pas avoir la direction. Qui ? Gabrielle, la chef ! T'écoutes pas, là ? Si. Ce que je vois, c'est que t'es tombé dans un panier de crabes. Entre tes collègues et tes politicards, là, je comprends pas pourquoi tu kiffes ce milieu. J'ai merdé, d'accord ? Mais les mecs en face, je peux te dire que c'est autre chose que les caïds de banlieue. Intellectuellement, je veux dire, tu vois. Ils sont malins, tu sais. Ils sont coachés par les meilleurs avocats, quand ils sont pas avocats eux-mêmes. Ah bah ça, les baveux, on sait comment ils sont. Faut tout pour faire un monde. Tu repasses quoi dans ta mère ? Non, j'ai pas le temps en ce moment. Non. Je passerai sûrement cet été. Tu me préviendras, hein ? Ouais. Et dans la presse écrite, cette fois, Jérôme Lavrieux, l'un des personnages principaux de l'affaire Big Malion, se livre dans Le Point, 4 pages de portrait, grâce à une interview que le nouveau député européen dément aujourd'hui avoir accordée. Un homme apparemment meurtri par cette affaire. Il défend son honneur, affirmant n'avoir tiré aucun bénéfice financier des fausses factures qui auraient permis de dissimuler le montant de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Son troisième de liste aux européennes demande sa démission. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Jérôme Lavrieux se décrit comme celui qui s'est sali pour les autres. Parquet de Paris, 24 juin 2014. Bon. Entre la perquisition en direct sur BFM, Guillaume Lambert qui accuse Lavrieux dans le Figaro et Lavrieux qui raconte son audition dans Libération, notre dossier est en train de fuiter de tous les côtés. C'est regrettable, monsieur le procureur. On peut pas y faire grand-chose. Cela veut dire qu'il est temps de clôturer cette partie de l'enquête. On a les aveux de Lavrieux, plus les 4 noms qu'il a donnés. Guillaume Lambert, le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, Éric Césari et Fabien Niazé à l'UMP, et Franck Attal chez Pygmalion. Lavrieux nomme ces 4-là comme étant au courant et actifs dans la mise en place de la fraude. On va encore auditionner Franck Attal, parce qu'il a demandé à être entendu et il sera temps d'ouvrir une information judiciaire avec des juges d'instruction. D'accord. Atal ne nie pas. Il va nous aider à conforter la matérialité de l'infraction. Alors, vous le recevez et cette fois-ci, vous n'essayez pas de le piéger, d'accord ? Oui, bien sûr, monsieur le procureur. Bien. Même le procureur m'a à l'œil maintenant. J'ai plus le droit à l'erreur. Je suis surveillée. J'ai même une nounou. Voilà. Et bien la liste des mises en cause dans le rapport. Tu fais un profil par ordre d'importance. Oui. Tu mets les noms de tous ceux qui ont assisté à des réunions de près ou de loin avec Big Malion et Franck Attal pendant la campagne. Et le juge choisira qui il veut voir. Oui, chef. J'ai déjà ajouté les noms des comptables de l'UMP, ceux de la campagne de Sarkozy et les avocats experts. Arrête avec ce ton-là. On peut pas se permettre de se planter sur ce truc. Il y a un ancien président de la République dans la liste. J'en ai conscience. L'ancien bras droit de Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux, assure que les fausses factures couvraient en fait des dépenses de meeting qui dépassaient le plafond autorisé par la loi. Mais la complexité des flux financiers autour de Big Malion fait douter certains membres de l'UMP. J'ai quelques raisons d'être réservé par rapport à ce que peut dire Jérôme Lavrieux, compte tenu des aveux qu'il vient de faire. Évidemment, à partir du moment où on peut avoir monté une affaire comme ça, on peut penser que peut-être il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément si limpides que ça dans ses aveux. Y a-t-il eu création d'une caisse noire ou enrichissement personnel ? Ce sera à la justice de le dire. Ce soir, dans une lettre aux adhérents, Jean-François Copé admet que l'UMP a vraisemblablement réglé des factures qu'elle n'aurait pas dû honorer. Mais le président démissionnaire clame son innocence totale. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 19 juin 2014. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Comment ça ? Ça fait 4 mois que l'article du Point est sorti, ça fait 4 mois qu'on parle de Big Malion. On nous en met plein la tête, en nous accusant d'être des escrocs. Il est temps de dire la vérité. On est là pour ça, monsieur Attal. Alors présentez-vous, expliquez-nous en quelques mots votre rôle à Big Malion et pendant la campagne. Je m'appelle Franck Attal, je suis chargé des gros événementiels au sein de l'entreprise Events, filiale de la société Big Malion. Je me suis occupé d'organiser et de planifier les meetings du candidat Nicolas Sarkozy pendant sa campagne présidentielle de 2012. Ça consistait en quoi concrètement ? Alors, franchement, je faisais tout. Je réservais tout ce dont on avait besoin, je coordonnais les sous-traitants, j'assurais le conducteur. Le conducteur ? C'est la liste d'enchaînement des événements du meeting. De l'allumage des lumières jusqu'à la fin des discours. Je donnais le top pour tout. Les démarrages, les discours, le rangement, j'étais le topper. Le topper, d'accord. Et c'était la première fois que vous organisiez des meetings pour une campagne électorale ? Oui. Enfin, c'est le même boulot qu'un concert ou un meeting normal. Sauf que là, ce qui est difficile, c'est l'enchaînement de tous ces meetings sur une très courte période. Combien à peu près ? Un meeting tous les 2 jours sur 3 mois. C'est un rythme de dingue. Ça paraît normal pour une campagne. Oui, mais il n'était pas prévu d'en faire autant au départ. Le candidat ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là, mais c'est devenu un rouleau compresseur. Je n'ai pas dormi pendant 3 mois. Mais c'est quand même lucratif pour vous, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Personne ne travaille bénévolement. Écoutez, je vais être honnête. On a fait un super chiffre d'affaires avec la campagne, c'est sûr. On s'est répartis grosso modo 600 000 entre les dirigeants. Mais comme notre avocat l'a déjà dit, on n'a escroqué personne. Notre argent, on l'a gagné. Vous pouvez vérifier nos marges, on a margé normalement. On est en train de vérifier. Mais vous parlez d'une expérience hors norme. Alors, si vous n'aviez pas d'expérience dans le domaine, est-ce que vous pensez que vous êtes au moins en partie responsable du dépassement des coûts ? J'imagine que quand on manque d'expérience, on fait des erreurs. Non, pas vraiment. On a des fournisseurs que l'on connaît. Tout a été fait au prix juste. Mais ce sont les demandes de départ qui n'ont pas été respectées. Vous voulez parler de l'accord de départ qui portait sur 5 grands meetings à 1 million et plusieurs petits à quelques centaines de milliers d'euros ? Oui. On a fini à 45 meetings. 45. Et les plus gros ont coûté 3 millions chaque. Moi, je ne suis pas censé gérer leur budget à leur place. Dès les premiers meetings, ils en voulaient toujours plus. Lille, Grand Palais, 23 février 2012. Voilà, tenez, monsieur le président. Merci. Alors, mon Jérôme, ça t'a plu ? Très bien. J'ai trouvé ça très bien, monsieur le président. Ah bah, c'est autre chose que l'autre tout mou. On va leur montrer la différence. Les Français vont juger sur pièce. On va voir s'ils veulent vraiment d'un morceau de sein de bon président. Il n'y a plus personne dans la loge, vous pouvez aller vous reposer, monsieur le président. Merci. Merci. Bon, c'est longtemps que je vous ai tous les deux. Oui. C'était mieux ici, hein, mieux qu'à Marseille, on va pas revenir là-dessus. Oui. Mais moi, je veux voir les images de réalisateur, le nouveau que vous avez pris. Oui, monsieur le président. Non, parce que Hollande au Bourget, il a marqué des points. Hein. Il avait une belle image, un beau teint. Ils ont réussi à faire ça avec lui, alors je vois pas pourquoi on pourrait pas faire pareil sur moi. Oui. Hein. Non, n'allez pas me dire que j'ai une tête qui passe moins d'un bon adversaire. Il n'y a pas de risque, monsieur le président. Ah, par contre, la sono, ça n'allait pas. J'ai dû crier. Il n'y a rien de pire. Je veux une meilleure sono. Qu'on puisse m'entendre bien sans que je crie. D'accord? C'est le minimum. Oui, monsieur le président. Monsieur. Je compte sur vous. Entendu. Jérôme, il va falloir faire un point sur les dépenses. On sort de l'enveloppe de départ. T'inquiète. Tant que tes devis sont validés, c'est que ça passe. T'as bien mis les chouquettes et les orchidées dans la loge? C'est le président. Il a ses exigences. C'est normal. Mais personne ne se souciait du budget. Tout devait toujours être mieux. Même quand il savait qu'il n'avait plus d'argent. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y allait avoir un problème de budget? Ah, monsieur Attal. Le 9 ou 10 mars. Lambert m'a convoqué. Dites, les factures des deux premiers meetings s'élèvent déjà à 250 000 pour Annecy et 770 000 pour Marseille. C'est beaucoup trop, là. Mais c'est ce qu'ont coûté les prestations. Par rapport aux devis, on a revu à la hausse les demandes en vidéo, en lumière, en son... Non, il faut que vous baissiez les prix. Je ne sais pas combien vous prenez, mais vu le volume de commandes, il faut baisser vos marges et négocier avec vos sous-traitants. Allez, faites-le, vous allez bien gagner sur cette campagne. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, à partir de maintenant, il ne faut pas dépasser 100 000 pour un petit meeting et maximum 300 000 pour un gros. Ça peut passer, mais il va falloir faire des concessions. Bon, on en fera tout, on a tous le même intérêt, c'est faire gagner Nicolas Sarkozy. Non. Mais rapidement... J'ai bien vu que ça ne tiendrait pas. On faisait tout à la dernière minute. Ça coûte très cher. Et malgré les promesses, ils accumulaient des demandes extravagantes. Vous avez dû avoir peur de ne pas être payé, non? Oui. Ça devenait un vrai risque. Vous vous rappelez quand ces bonnes résolutions ont volé en éclats? À peine 2 jours plus tard, au moment du meeting de Villepinte. Une vraie foule militante. L'UMP affirme qu'ils étaient 70 000. Avec les politiques, tout le gouvernement, la famille, Carla Bruni-Sarkozy au premier rang une nouvelle fois, les invités de marque, comme Bernadette Chirac, et les nouveaux soutiens, Gérard Depardieu pour la photo du jour. Nicolas Sarkozy pense qu'à 2 mois du second tour, il garde toutes ses chances. Parc des expositions de Villepinte, 11 mars 2012. On avait réservé le hall 6, 40 000 places assises. On a mis 70 000 personnes debout, vous imaginez? Une usine à gaz à organiser. Tout ça 5 jours après le meeting de Bordeaux et 3 jours avant le meeting de Chalon. Aidez-moi ! Aidez-moi ! Nous avons 2 mois, 2 mois pour bousculer les certitudes. 2 mois pour tout renverser. 2 mois pour les faire mentir. Aidez-moi ! Vive la République ! Vive la France ! C'était le grand rendez-vous, la démonstration de force du candidat. Et il a réussi une belle performance. L'ambiance était électrique. Oh, merci. Tenez, merci. Monsieur le président. Merci. C'était une bonne idée d'entrer par le fond, n'est-ce pas, hein? Ça a fait de belles images. Et comme Obama. Il a fait ça, Obama. C'était très bien. Oui, c'était super. Très, très bonne idée. C'était très bien. Tu as été fort sur l'immigration. Tu as déroulé le programme clairement. Tu as été à la hauteur de l'enjeu. Mais maintenant, reste à savoir si ça va bouger dans les sondages. Il va falloir attendre 48 heures. Ça ne peut pas ne pas s'inverser. Hollande est trop mauvais. C'est par la province que l'élection va se jouer. La province va te voir aujourd'hui à la télé. Les vrais gens vont faire la leçon aux bobos parisiens. Ah bah oui, bah croisons les doigts. À tout à l'heure. Patrick, tu m'appelles dès que t'as les sondages. Entendu. Pour nous, Villepinte, ça a été 70 000 militants, 3 000 bénévoles, 500 journalistes à gérer, un écran de 120 mètres de long, un drapeau par personne dans le public, bref, du délire total. C'était l'un des 5 grands meetings qui étaient prévus au départ? Oui. C'était le plus grand. Mais on a dépassé les 2 millions d'euros de budget. Et on a déclaré 450 000 à la commission de contrôle. On a explosé les compteurs. On était le 11 mars et la campagne se terminait en mai. On ne pouvait pas continuer comme ça. Mais quand ils ont reçu les sondages le lendemain, c'était mort. Ils allaient plus changer de tactique. Ils ont leur signature depuis longtemps, les deux favoris de l'élection, mais ils se disputent la première place au premier tour, en tout cas du point de vue des sondages, qui pour la première fois ce matin ont placé Nicolas Sarkozy en tête. Sondage IFOP fiducial pour Paris Match, 28,5% pour le président sortant, 27% pour François Hollande. Un effet Villepinte, peut-être, que le principal intéressé en visite en Ille-et-Vilaine n'a pas voulu commenter, se bornant à répéter que rien n'était joué. Surtout ne pas se laisser impressionner, a répété François Hollande, qui était cet après-midi dans la Drôme. Palais de l'Élysée, Paris, 11 mars 2012. Bon, maintenant, faut maintenir la pression. Hollande va faire son gros meeting à Vincennes le 15 avril. Il faut qu'on fasse un truc plus grand en face. Mais on n'aura pas de salle de cette taille dans un délai aussi court. Faisons-le dehors, alors. La place de la Concorde, c'est pas mal, non? Ah oui. Oui, comme le soir de mon élection en 2007. On remplit la place. Lambert et Lavrieux m'ont annoncé ça, en me disant qu'en extérieur, ça ne coûterait pas très cher. Et c'est vrai? Évidemment non, ça nous a coûté 3 millions d'euros. Et on a déclaré ce meeting à 150 000 euros dans les comptes de campagne. Ouf, incroyable. Je vous donne un exemple. Au départ, on ne devait pas avoir de fond de scène. On est en extérieur, il allait faire beau, on avait une belle perspective de Paris derrière la scène. Mais non, il a fallu faire une bâche imprimée, une photo géante de Paris. On a mis une photo de Paris sur Paris. On a fait venir un photographe et on a imprimé à la dernière minute. 20 000 euros ça a coûté. Pour une utilisation unique, sur ce meeting. Et puis on a fait une loge pour le président, avec douche et cloison insonorisée, qui à elle seule a coûté 64 000 euros. Ça aussi, on ne l'a pas réutilisé. Quand j'ai vu que le budget montait comme ça, j'ai demandé une signature de devis. 3 millions, ça a été validé. Mais vous, en tant que prestataire, vous connaissiez la limite de 22 millions de dépenses pour toute la campagne? Oui. Au départ, ils voulaient même ne dépenser pour les meetings que 6 millions sur les 22. Puis au bout d'une semaine, ils sont montés à 9. Mais moi, je savais bien que ça ne serait pas possible de tenir à ce rythme-là. Villepinte, 3 millions. La Concorde, 3 millions. Mais qui a eu l'idée de faire une double facturation? Mi-mars 2012, Jérôme Lavrieux m'a dit qu'on allait avoir un problème. Et on a eu une réunion. Mi-mars? Avant même le premier tour, vous êtes sûr? Pas plus tard? Non, mi-mars. On avait commencé depuis 3 semaines. Mais c'était déjà intenable. Je devais payer mes premiers fournisseurs. Et qui était présent à cette réunion? Jérôme Lavrieux, Éric Césari et Fabienne Liadze, la directrice des ressources de l'UMP. Ouais, siège de l'UMP, bureau de Jérôme Lavrieux. Mais de toute façon, monsieur Attal, on ne peut pas vous payer comme ça. Si on dépasse les 22 millions, on perd nos subventions de l'État et le parti fait faillite. La seule solution, c'est de nous faire des factures pour qu'on reste sous les 22 millions, de bien noter tout ce qui reste à payer et on vous paie plus tard sur d'autres prestations. Ça veut dire faire des fausses factures. On n'a pas le choix. Vous êtes trop cher. Franck, on n'a pas le choix, vous n'avez pas le choix, il faut nous faire confiance. Ça va passer, on va tout vous régler. Hein? Et effectivement, on n'avait pas le choix, sinon on mettait la clé sous la porte. Vous n'avez évoqué la fraude qu'avec ces 3 interlocuteurs? Il n'y a eu personne d'autre qui, de votre point de vue, est au courant? Pour moi, tout le monde savait. Lambert, l'équipe de campagne, tout le monde savait jusqu'au plus haut niveau, c'est pas possible autrement. Copé, Sarkozy? Je ne peux pas l'affirmer. Et qu'est-ce qui s'est passé après la réunion? J'ai averti Bastien Millot, Guy Alves et Sébastien Borivant, les patrons de Big Malion, et on a refait les factures comme ils nous le demandaient. Mais bon, quand tout le monde a effacé ses disques durs à l'UMP, chez les politiques et les comptables, moi, j'ai gardé cette clé USB. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? La véritable comptabilité avec les vrais montants des meetings. Vous n'aurez qu'à faire le total. On est à plus de 17 millions d'euros de fausses factures. Parquet de Paris, 22 juin 2014. Monsieur le procureur, on passe de 9 à 17 millions d'euros de fraude. Attal est convaincu que Sarkozy et Copé étaient au courant. Bon. Notre experte comptable du pôle financier du tribunal va faire un rapport sur le contenu de la clé USB. De votre côté, vous allez pouvoir vérifier si les montants et les factures que nous donne Big Malion correspondent bien aux prestations fournies. Mais nous, on n'a pas cette compétence. Est-ce qu'on peut faire appel à une expertise externe? Si vous trouvez cette perle rare, je n'ai rien contre. C'est Gabriel maintenant qui, de fait, dirige l'enquête. Mais elle n'a pas le temps, trop de dossiers. Expert en meetings électoraux, ça n'existe pas vraiment comme boulot. Il a fallu chercher. Et c'est moi qui ai mis la main sur François. Vous connaissez Monsieur Attal? Comme ça, on s'est croisés. Moi, je fais ça depuis 25 ans. Lui et sa société, ils sont plus genoux dans le métier. Vous pouvez regarder ça, s'il vous plaît? François fait partie de cette espèce rare, les organisateurs de meetings politiques. C'est la meilleure personne pour vérifier les factures de Big Malion. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est dingue ce truc. C'est des dingues. C'est-à-dire? Ils ont vraiment beaucoup claqué. Expliquez-moi. Non seulement ils ont pris des régisseurs pour tout, garer les voitures, les barrières, etc., mais en plus, ils ont doublé les postes. Ils ont payé des régisseurs en réserve, des mecs qui étaient sûrement assis le cul sur une chaise pendant tout le meeting, au cas où. Mais ça représente des salaires en milliers d'euros, tout ça. Et puis surtout, ça aurait pu être assuré par des militants de l'UMP. Dans les meetings, on fait toujours ça, on prend des militants bénévoles. Là, tout a été payé. Et ça chiffre ? Bah, 10 000 ou 20 000 euros de salaire de techniciens payés inutilement, s'ils ont fait 45 meetings, ça commence à faire, non ? 500 000 à 900 000 euros à la louche ? Bah voilà. Et tout est comme ça. D'accord. On va noter toutes vos remarques, si vous le voulez bien. La société organisatrice Big Malion aurait-elle gonflé ses factures ? Aurait-elle reversé des rétrocommissions à certains cadres de l'UMP ? Non, répond l'avocat de l'entreprise. Les meetings ont coûté cher, dit-il, car ils ont été organisés dans la précipitation, à la toute dernière minute. Il n'y a pas de surfacturation, il n'y a pas de rétrocommission, il n'y a pas de trésor de guerre, il n'y a pas d'argent détourné. La seule question qu'on peut se poser éventuellement, est-ce qu'un prestataire a été, oui ou non, un peu trop cher ? Mais ce n'est pas de la surfacturation, c'est éventuellement une discussion sur le coût. Mais encore une fois, les responsables de la campagne, ils étaient bien présents, ils ont bien assisté aux meetings les uns après les autres, ils voyaient les moyens qui étaient mis en place pour l'ensemble de ces meetings. Tout ça, ce n'est pas du vent. Donc il n'y a pas d'argent détourné, il n'y a pas de rétrocommission. Alors qui était au courant ? Lors de ses aveux médiatiques, Jérôme Lavrieux assure que ni Jean-François Copé, ni Nicolas Sarkozy ne savaient. Plusieurs de leurs proches sont pourtant au cœur du dossier. L'organisateur de meeting est formel, les sommes facturées sont cohérentes avec la prestation. Ils ont payé le prix fort à chaque fois, rien n'est négocié. Ils prennent des postes en doublon pour être sûrs. Mais il n'y a pas de détournement, les meetings ont juste coûté extrêmement cher. Et leur marge ? Autour de 25%, on est dans la norme. Même s'ils auraient pu baisser vu le volume de travail. Ok, vous avez fait du bon boulot. Vous savez quel juge est saisi pour l'instruction ? C'est pas encore décidé, mais vu l'ampleur de l'affaire, ils vont mettre une pointure. Ce sera sûrement Van Ruynbeek. Ce serait pas mal. Ouais, c'est le plus expérimenté. Et ils pourraient mettre le juge Tourneur aussi. Parlez pas de malheur. Le juge Serge Tourneur a la réputation d'être un emmerdeur. Je ne sais pas, je le connais pas. Mais on a entendu parler de lui récemment. Il instruit déjà une affaire sur Sarkozy. En tant qu'ancien président, je ne demande pas traitement de faveur, mais je demande à être traité avec un minimum de respect. Ce juge, M. Tourneur, a pris la décision de me mettre sur écoute. Et cette décision va à l'encontre du droit. Est-ce que vous trouvez normal qu'on écoute un ancien président de la République alors qu'il n'y a aucune suspicion à mon encontre, aucune charge retenue? C'est inacceptable. C'est Tourneur qui avait ordonné le placement de Nicolas Sarkozy et de son avocat sur écoute. Sarkozy s'était plaint publiquement de cette écoute qu'il considérait comme illégale. Mais au final, il a quand même été mis en examen. Trois juges vont enquêter sur les liens entre Big Malion et l'UMP. Parmi eux, les redoutés Serge Tourneur et Renaud Van Ruynbeek. Ils vont plonger dans les comptes de l'entreprise de communication et ceux de l'UMP. Eh merde. C'est bien Serge Tourneur, le juge principal. Il sera assisté de Renaud Van Ruynbeek et Roger Leloir. Bon, eh ben, bon courage à vous. Parquet de Paris, bureau du juge Tourneur. J'ai lu vos rapports ce week-end. Le dossier est assez clair, les éléments sont posés. Vous avez fait du bon travail. Merci. Merci. Il reste quand même une personne que j'aimerais que vous interrogiez rapidement. Ah oui ? Qui ? Cette femme qui est citée plusieurs fois dans les lettres de dénonciation. La responsable com qui est citée dans ces torchons ? Si je puis me permettre, on ne sait pas vraiment quel crédit donner à ces lettres. Elles sont remplies d'allégations et de sous-entendus homophobes. Oui, mais cette femme, Karima Atmani, a été placardisée quand Big Malion est arrivé à l'UMP. Et elle est toujours en poste. C'est quand même bizarre qu'elle soit restée, non ? Alors à mon avis, elle a sûrement des choses à raconter. Entendu, on va procéder à l'audition. Bon, et sinon, vu la sensibilité de l'affaire, on va limiter le nombre d'interlocuteurs. Côté police, madame, maintenant, je ne veux avoir affaire qu'à vous. Très bien. Ça pose problème ? Ben, c'est-à-dire que je suis la supérieure hiérarchique de Florence, mais dans les faits, c'est elle qui mène l'enquête. C'est mieux si on est deux. Bien. Qui dirige officiellement l'enquête ? Elle. Alors je parlerai à madame. C'est bon pour vous ? Oui, bien sûr. Aucun problème, monsieur le juge. venez d'entendre, 22 millions, écrit par Vincent Hazard. Une réalisation de Baptiste Guiton. Avec Tiphaine Davio, Johanna Nizar, Nadir El Arabi, Bernard Gabet, Eddy Chignara, Quentin Bayou, Bruno Pavio, Alain Fromager, Didier Benureau, Éric Caruso, Bruno Raffaelli, Grégoire Mont-Saint-Jean, Oscar Kopp, Mohamed Rouhabi, Florent Houlier, Pauline Moulin, Aurélien Ozinski et Maxime Pambet. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Étienne Collin. Assistante à la réalisation, Aurélie Miermont, avec l'aide de Maxime Pambet. Coordination, Christophe Barrère. Attaché de production, Rebecca Denantes.